je suis le fou du roi. Je cherche l'envol à la recherche des soins comme le fou du roi. Mon attitude fantasque me contente dans ce rôle, à ce jeu, car que tu m'aimes, il le faut, je le veux. Cherche l'envol à la recherche de soi comme le fou du roi. Plus loin que toi d'exister, je gagne le droit, mais de cette danse me manque la fin. Pitrerie, il ne m'en reste rien. Je cherche l'envol à la recherche de soi comme le fou du roi. Je vous amuse, mon égo me rongeant, oh petit rat, mais accordez-moi enfin cette muse qui de cette pierre grossière me sculptera.